Let's go, huh? Yeah. Alors, bonjour, merci d'être revenu. On a un petit peu dépassé, désolé. Mais voilà, bah, c'est toujours difficile d'avoir deux grosses rencontres comme ça avec deux grands réalisateurs de l'animation. On va avoir une chance, on va parler demain. Je crois que c'est demain. J'ai donné mon catalogue et j'ai plus mon catalogue. Mais je sais qu'il y a une rencontre autour du cinéma d'animation allemand avec Andreas et Karl Raimund Krumme. On vous parlera un peu plus du cinéma d'animation allemand et on a la chance d'avoir Andreas Ricadeux, grand réalisateur. J'espère qu'une partie d'entre vous était là ce matin à 10h30 pour voir sa présentation. En tout cas, si vous n'étiez pas là, vous connaissez son travail. Donc, ce qu'on peut faire, parce que c'est toujours comme ça, bah, déjà, merci beaucoup. On va applaudir Andreas Ricadeux. Merci beaucoup. Yes. De venir pour vous présenter. Ça va être en anglais et je vais traduire en anglais après Ilan, ça va être bien. So, we begin by introducing who you are. Who you yes. Are. Hello. Salam alaikum. Meknes. I'm sorry I don't speak any French, but we have this guy here and he can translate. So I only have to use half of the time because it will take him a while to translate. And I don't really know what we're going to do now. Is there any animation students in here? Anybody who's studying animation? No. Yeah, one, two. Is there anybody interested? Est-ce qu'il y a des gens, pardon, des gens, je vais dire rapidement. Donc en fait, évidemment, merci d'être là, bienvenue. Ça va prendre la moitié du temps que moi je vais traduire, parce que lui, il ne parle qu'en anglais, il est désolé pour ça. Est-ce qu'il y a des étudiants en animation dans la salle ou graphique, oui. Yeah. Ouais. Ou des réalisateurs, il y a déjà des réalisateurs. Ah, quelques réalisateurs, ça c'est voilà, deux réalisateurs. Yeah, yeah, plus de réalisateurs, donc quand même pas mal. Ils sont un peu, voilà, un peu timides, ils ne se disent pas, mais voilà, donc on a quand même pas mal de gens d'animation. We have a lot of people from animation. Okay, very good. So what I thought what we can do is, I'd first like to introduce myself to you. And this will take about 20 minutes, I think. And then we can talk about the basic questions of animation filmmaking, probably. Donc, il va se présenter pendant une petite vingtaine de minutes, hein, comment ça va se passer. Et ensuite, on va parler des principes, un peu des bases du cinéma d'animation. Yes, and I come from Bavaria. It's a part of Germany, Bavaria. And probably I draw this to you on this thing here. You see, if this is Germany. Donc voilà, là il est en train de dessiner d'Allemagne et il vous dit d'où il vient. Voilà, donc il vous a dit, mon allemand n'est pas très bon, Alt-Ettingen, voilà. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cette ville? À part les Allemands, except the German in the, of course in the room. Well, even the Germans don't. Okay, okay. It's a very, very small town. Donc, même les Allemands ne savent pas où c'est. Just give you a little place here. Donc là. Marco, I'm in. This is where a guy formerly known as Pope Benedict the 16th come from. Voilà, le pape, Benedict XVI, je suis nul en parlant, vient d'ici. And this. Just here, the Austrian border. This is where a guy called Adolf Hitler comes from. Yes, it's a movie where a music called Adolf Hitler. So this is like a magic triangle. It's like a triangle magique. You see, so this probably shows you that the cultural possibility in Alt-Ettingen was very, very limited. Donc vous pouvez imaginer que les possibilités culturelles dans cette ville étaient vraiment très réduites. But in the center of this town, we had a little chapel, a Holy Mary chapel, because about 600 years ago, there was a boy drowning in the river, and the Holy Mary got him out of the river and back to life, right? And the people were so impressed by this, they built a little chapel. And since then, everybody, since then, a miracle week happens. You are one of them. No. Donc, au centre de cette ville, en fait, il y a un culte, il y a un endroit pour le culte de la Vierge Marie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de 600 ans, en fait, il y a un petit garçon qui était en train de se noyer, puis la Vierge Marie l'a récupéré comme ça, et l'a ramené à la vie. Et donc voilà, donc depuis, c'est un lieu très important de culte de la Vierge Marie. Et toutes les semaines, il y a un miracle qui se passe. Yes, and what the people do when a miracle happens, for example, if you're a farmer and you're on a tractor and the tractor collapses and you would survive, you will do with your limited possibilities, you know, you do a little painting, oil painting, with yourself and the tractor and the Holy Mary and the Blessed Child, and you write a little rhyme that the Holy Mary saved your life, and you put in the date and the place. And so the whole chapel is plastered with thousands and thousands of these paintings. And I, as a boy, I was very impressed by that piece of art. And I would go there with my bicycle every day to watch all these paintings. And I'm still impressed, you know. And it turned out to become like my first and biggest influence in art, because I could see that the people with their limited abilities, they put themselves on the same picture as their God, and so the private myth will become part of the collective myth. And it's there in the chapel, in Alpati, for the whole world to see. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette petite ville, donc il y a ce culte. Par exemple, il y avait un fermier sur un tracteur, et puis bah, le tracteur en fait tombe en panne, la tombe s'écroule, on va dire, et le fermier survit. Et là, ce qui se passait dans ce cas-là, ce que vous faisiez avec vos possibilités artistiques, hein, vous dessiniez vous-même une petite peinture avec le tracteur, vous, enfin donc le fermier, la Vierge Marie, l'enfant Jésus, enfin voilà, et vous mettiez la date, et la personne met la date en fait du sauvetage, comment il a été sauvé. Et donc dans cette chapelle, vous avez énormément de peintures comme ça de gens qui ont été sauvés, qui ont fait cette peinture, et c'était un peu la première vision artistique qu'il y avait eu. Chaque jour, il y allait en vélo comme ça, et il regardait ces murs énormes avec plein de tableaux, et c'était un peu son espèce de premier choc comme ça artistique, qui pour lui était important parce qu'en fait, il y avait à la fois la vie de tous les jours, le côté quotidien, la personne en elle-même qui se mettait, et elle se mettait avec son Dieu, qui là représente évidemment quelque chose de beaucoup plus collectif. Donc il y avait ce mélange entre les deux, entre le côté quotidien de la personne et le côté collectif que finalement on vit tous. Yes, and so since then I would find the same quality as you see in these pictures on the chapel in the work of other artists. For example, when I was a teenager, I was very impressed by the works of Robert Crumb, a comic artist. Is he known in Morocco, Robert Crumb? Est-ce que vous connaissez Robert Crumb au Maroc? Il y a quelqu'un qui vous connaissez un peu, par exemple, oui, fait Feed the Cat. Oui, évidemment, oui. Le caricaturiste, dessinateur dans la salle, on le connaît. You see, like for me, this was a revelation because this is a guy who would tell about his experience in his life, and it seemed to be the more autobiographic his work, the better, right? Et en fait, à chaque fois que il repense à, enfin, à chaque fois qu'il y avait un autre artiste qui voyait un nouvel artiste, en fait, il relayait ça finalement ce qu'il avait vu quand il était enfant dans cette chapelle, et notamment là, il parle d'un auteur, Robert Crumb, qui est un auteur graphique, un auteur de bande dessinée, notamment très connu pour évidemment Feed the Cat, et qui en fait, c'était une vraie révélation pour lui parce qu'il se rendait compte que plus il parlait de sa vie, plus c'était un côté autobiographique. Meilleure était ses œuvres, meilleure était ses bandes dessinées. Yes, and so when I started to work as an artist, I thought I would work in the same field, and I tried to do autobiographic work. You can see this character here. This is, I mean, he changed, after 10 years I got it to that point. This is a character called Myself, and I'll probably show you a little bit about the journey of myself. How should we do that? Yeah. Yes, so, we'll sit down again. Yes. et donc en fait quand il a commencé lui son trajet artistique, hein, son envie d'être dans l'art, il s'est dit bah tiens, pourquoi je prendrais pas justement le même voyage, le même trajet pardon qu'a pris Crumb, et donc de travailler sur des choses personnelles. Et là, le petit personnage que vous voyez juste là, hein, sur l'écran, c'est un personnage qui s'appelle moi-même, myself, et donc il va nous parler un tout petit peu plus de ce personnage là. Yes, this is my business card. You're going to see it's meant to drive everybody close to you that likes my work, and it's meant to drive everybody away that I won't don't want to have anything to do with. What you probably see, what catches your eye most in this drawing is that the character myself won't have any mouth. You know, and I always thought this is, for me, this was quite attractive because it would give him some mythological quality, you know, because you never really know what he's feeling or thinking. So I worked on him with him for a while, and I'll show you some drawings. Probably this is a drawing of September 11th, 2001. It's an important date because this is where the Bob Dylan record Love and Theft came out. And you could see here, this is a drawing of the birth of my daughter. It's donc around the same juste time. Juste avant la sortie, c'était en septembre, non, ce qui était une date importante, puisque c'était la sortie de l'album de Love and Theft de Bob Dylan, dont André Sicada est très fan. Là, c'est la naissance de sa fille. Et il nous a montré aussi juste un tout petit peu avant sa carte de visite, hein, que vous avez vu tout début. L'idée, c'est que les gens qui l'aiment bien, c'est pour continuer à les amener vers lui, voilà, et ceux qui ne l'aiment pas, les éloigner au contraire de lui. Peut-être que vous avez remarqué, ce qui est intéressant pour lui dans le personnage de moi-même, c'est qu'il n'a pas de bouche, et ça lui donne un côté assez mythologique quelque part. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne ressent pas justement les sentiments, on va en tout cas moins ressentir les sentiments que s'il avait une bouche. Sorry. Yes, this is the birth of my daughter. This is the day where I cut the umbilical cord at the wrong site, you know. Donc c'est là où il a coupé le cordon ombilical au mauvais endroit, en fait. Should have been cut here. J'en ai, voilà. Et là, ça aurait dû être coupé là. Voilà, et là, c'est là où il a coupé. This is like I draw a drawing I did for my daughter. It's supposed to be a sheep. Donc c'est un mouton qu'il a dessiné pour sa fille. But she just says like Schwein, which means pig. Et en fait, elle l'a regardé, elle a dit, ah, bah, c'est un cochon. Alors évidemment, c'était pas le but. This is what I do. It's like every time I read a book I like, I put myself into it. I do a drawing of myself in books. À chaque fois qu'il aime un livre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se dessine à l'intérieur de cette histoire, à l'intérieur de ce livre. I also do myself in movies. il fait aussi lui-même à l'intérieur de films, hein, ici il est dans de la mer, bien sûr. Yeah. This is in it's for a magazine that comes out monthly. Donc c'est pour un magazine qui sort tous les mois. This is myself in student films. You know, like I usually, like once a student has finished a film, I try to do a drawing and give the drawing to them. This is a film called Opossum, and you can see it here in the festival. Oui. Et donc, à chaque fois qu'en fait un film, André Sicada est professeur à la Film Academy Baden-Württemberg, on en parlera très rapidement, et donc il se met à l'intérieur des films de ses étudiants, ici Opossum, qui est le dernier film de la compétition numéro 1 que vous avez pu voir, j'espère, en tout cas, hier soir. Yes, this is a political drawing. This is the place where we, in Stuttgart, we have a festival here once a year. It's called the ITFS, the International Trick Film Festival. You can see this here, the one. Ils ont un festival à Stuttgart, qui est un festival de trick film, un festival vraiment important tous les ans à Stuttgart. Il dit que c'est un dessin politique. Je vais vous expliquer pourquoi. And there's also a brotherly event. It's called the FMX, and they usually fight, right? Because when you're brothers, you fight, and this. A drawing is meant to calm them down and remind them that we're all just one big family, right? Donc il y a aussi le festival de Stuttgart, pour vous expliquer rapidement, qui a un peu plus, on va dire, des courts-métrages d'animation et en métrage, et il y a le FMX qui est juste à côté, qui est plutôt les effets spéciaux, qui sont plutôt vraiment là le gros. Vous avez des conférences sur le Seigneur des Anneaux, enfin voilà, sur ces grosses choses comme ça. Et souvent, ils sont frères, hein, ils sont jumelés, mais on a tendance à se battre quand on est frères, c'est comme ça. Et là, c'est un dessin en fait pour les calmer tous les deux, pour dire qu'on fait tous partie de la même famille et qu'on s'aime tous. Yes. This is myself looking for work. Donc c'est lui qui a cherché du travail. Yes, this is myself and my daughter talking about discussing country music. Donc ça, c'est lui et sa fille en train de parler de musique country. And you see, like, this is where it gets difficult, sort of, because it's the point where the language comes in. It still works with the drawings, but like it it's difficult for the animation because there's no mouth, right? Mm-hmm. And there's other issues. For this is me at the dentist. Donc juste celle d'avant, c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a un problème évidemment dès qu'il y a du langage parce qu'il faut une bouche et donc par rapport à l'animation ça empêche beaucoup de choses. Là c'est lui chez le dentiste. This is myself after the dentist. Là c'est après le dentiste. There was this contradiction. Like on the one side there should be the mystic thing and on the other side there should be the issue of communication. And I was sort of stuck with that. Until one day I did a workshop in our school, and usually when I do the handouts for the workshop, I do them with myself because it can be done fast. And here you see this drawing, and you might see like all the drawings. It's a classical lip sync animation. Donc là, en haut, vous pouvez voir, en fait, c'est le côté classique, hein, du lip-sync en animation. Hein, But the most important drawing is this one, the one on the top left side. Le plus important, c'est celui qui vous montre là, qui est sur la gauche. Because this is how I solved this contradiction. I thought, when he talks, he will get a mouth, but when he's silent again, mouth will disappear, and so he can keep his mystic. Right. Alors, l'une des choses qu'il voulait garder, qui n'est pas évident, c'est le côté mystique, le côté voilà, d'un personnage, d'un dessin, mais quand même le côté communication, comment on communique quelque chose, comment on communique une idée. Et ce n'était pas évident, il a eu l'idée à un moment donné dans un workshop qu'il faisait dans l'école où il était, et comme il vous montrait, en fait, d'un seul coup, il y a un dessin qui est important, celui qui vous montrait où il s'est rendu compte que quand la personne parlait, elle aurait une bouche. Et quand elle ne parlait pas, bah, on lui enlèverait la bouche. Ce qui fait qu'il arriverait à avoir les deux, la communication et à la fois le côté mystique. Yes, and once I had that, I could start doing like little films with myself. And the first I did, it was a greeting movie. You know, it's a common thing with the festivals now that, for example, if you can't attend or if you want to send something in advance, they ask you to do a greeting movie. And I got this information of this festival in Korea saying, like, can you do a greeting movie? You still have 6 months of time. And I replied, yes, no problem. And then I got, like, an email reminder 5 months later saying, like, still 1 month to go for your greeting movie. I said, no problem. And then 1 month later came an email with 3 fire alarm signs saying, like, 3 more hours for the greeting movie. And I was thinking, God, hell, I mean, like, sort of 3 hours, what can you do? And I mean, all the animators, they usually show something, you know, something worth presenting. And so I thought, I'd probably take myself, and I just recorded a little thing. I had a cold at that day, you know, like sneezing, and I show you this one. I will translate now, and so everybody can hear you. I'm Andreas from Germany. I'm looking forward to meet you all. See you soon. Bye. Yes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que You're too kind. les trop gentils, vous pouvez le dire. En fait, il s'est rendu compte à travers ce workshop par rapport à MySelf qu'il peut l'utiliser. Et vous savez, souvent les festivals, et notamment ce festival, it was CICAF, non, in Korea or... Yeah. Et donc CICAF, ce festival coréen, demande souvent aux animateurs de faire une petite vidéo que vous pouvez voir ensuite sur internet et qui est un peu pour dire, bah voilà, je viens dans tant de mois et je suis content de vous voir, etc. Et donc on lui demande ça 6 mois avant, il fait bien sûr pas de problème, et puis on lui rappelle ça 5 mois après, en fait, ah, il reste plus que 5 mois, oui, pas de problème, et puis ça passe, et puis d'un seul coup, un mail avec des signes d'alarme en disant, il n'y a plus que 3 heures pour le faire, il faut vraiment se dépêcher, et là, d'un seul coup, il se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais présenter, et normalement, les animateurs font quand même attention à avoir quelque chose d'assez joli, en tout cas, voilà, qui font bien à présenter, et lui, il avait une grippe ce jour-là, enfin, voilà, je comprends toujours tout, les grippes, les angines, enfin, voilà, vous avez entendu, et il a fait ce petit film. Yes. Yeah. Yeah. And the next one, that was for a festival as well. It was for the Holland Animation Festival. And this was important for me as well, because like, as myself is right here, he's quite isolated, right? I mean, he's just all by himself. And so with this next one, I tried to add some friends, not on the visual side, but on the audio side. So he would be able to communicate with friends. And that I felt quite comfortable with that, because every time the friends would talk, he could keep quiet, and so you would still have his mystic again. And I'll probably show this one first, huh? Okay. Right. Sorry. You know, the other day this guy was calling me up saying, "Hey, do you want to do a trailer for our festival?" I said, "Yes, we're going to make a big bang, something like this." He said, "That sounds good." I said, "Yes, and it will only cost you $1 million. He said, donc le second film qu'il a fait là-dessus, donc pour ce festival à Hollande, qui a lieu d'ailleurs je crois en ce moment, hein, voilà, qui a lieu en ce moment, et s'est dit, son personnage Maïsla pour moi-même est tout seul, et s'est dit tiens, c'est une bonne idée, je pourrais peut-être commencer à le faire communiquer avec d'autres personnes, et il aimait bien cette idée d'avoir d'autres personnes autour du personnage. Et surtout ce qui lui plaisait bien, c'est que il s'est dit, tiens, je vais mettre des amis, mais plutôt que de mettre des amis au niveau visuel, il a mis des amis au niveau audio. Ce qui, en fait, était plutôt agréable, parce que quand eux parlaient, Myself, en fait, n'avait pas besoin d'avoir de bouche, et finalement, se taisait, donc c'était plutôt agréable. Et donc, il a fait cette petite bande-annonce où vous avez vu un personnage, en fait, dit, mais j'aimerais bien qu'on fasse une bande-annonce, j'aimerais bien faire une... On m'a demandé, pardon, excusez-moi, de faire une bande-annonce pour le festival, et il a dit, pas de problème, ce qu'on pourrait faire, c'est... Vous avez vu tout ce délire, la visuelle, et le personnage fait... c'est bien, ça lui a plu, je lui ai dit ça va coûter $1 million, et là il y a un peu un vide, et d'un seul coup vous avez vu, il dit, ah ben non, parce que là on m'a dit, non, c'est ce qu'on va faire plutôt, on va juste mettre ton personnage en haut, mettre le titre et le logo, et puis ça va nous suffire. Yes, and the next thing that would happen is, I thought it would be quite nice to let myself interact with the audience, and... How many of you understand English here? Combien d'entre vous comprennent plutôt bien l'anglais? Okay, so because he's talking in English and he needs your help. Voilà, l'idée c'est d'interagir avec le personnage. Il faut que vous parliez. You know what? I'm a smoker for 25 years now. And it starts to get on my nerves. Actually, I start to worry a bit as well. But the truth is, I cannot quit all by myself. There's not enough power. Want to help me to quit smoking? Yes. Okay. Let's prepare mentally. That was not very good. C'était pas très bon, hein, vous auriez fait un meilleur effort. I give you one more chance. Alors encore une chance que vous réussissiez. You know what? I discovered the secret of the universe. But I couldn't remember it long. Wanna help me me to remember? Yes. Okay. We have to prepare mentally. Listen, this won't work. We need the concentration of everybody here. So please, stop eating your crackers. Stop thinking about your long lost love. Stop being distracted. Just be with me and help me to remember the secret of the universe. Okay? Okay. Okay. Yes, that's good. You did it. Yes, so much for the introduction. Donc voilà, c'est fait pour l'introduction. Still, maybe one question. Why? I mean, you explained to us, that you like art because of this chapel. But why animation? Why did you pick animation? Well, it's just quite fascinating if the stuff like moves about, isn't it? I mean, like I always thought when I was a boy, I was watching the Disney films and the cinema, and I thought these were American magicians, right? That were able to do that, to give some life to these like drawings. And one day, an uncle of mine brought a Super 8 camera, and I thought I'd have a try. And I did a little thing, a little film called Jochen in Search of His Face. And I got it back from the lab, and it was really moving. Like, moving, but moving as well. And and so I thought, it's not as complicated as I imagined. And so I started working on that field. Right. First, it was not complicated, I have to say. Like, for the first 7 or 8 years, it was for me a natural thing to do animated films, like you do paintings. You know, you just feel comfortable. Like everything that makes you feel comfortable, like must be all right for the audience. And I just enjoyed the process. And this went on for 7 or 8 years. Never was any problem. But then after I finished studying, I got into what people call an artistic crisis, right? I just could not work unconscious anymore. I just was like turning around in cycles. The work was really crap. I could not solve the problems. I took it really personal, which empowered me each day a little bit more until after half a year, I couldn't get out of bed anymore. You know, I was so empowered because I thought the problems of the work is my problems, right? And so I had to change my strategy in working, and I had to start to do consciously what I used to do in an unconscious way. Donc je me demandais, il nous a raconté là, mais pourquoi l'animation? Et en fait, évidemment, il dit, c'est tellement fascinant, hein, c'est là où ça bouge. Donc voilà, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Il allait au cinéma voir les films de Walt Disney, bien sûr, comme beaucoup du studio Disney, pardon. Et il avait l'impression que c'était fait par les magiciens américains, ils faisaient ça, et qu'ils pouvaient donner finalement vie à ces personnages. Et un jour, un oncle a ramené une caméra Super 8, et il s'est dit, tiens, je vais essayer. Il a fait un film qui s'appelait donc Your Game, à la recherche de son visage. Et quand c'est revenu du labo, il s'est rendu compte que c'était à la fois émouvant, touchant, hein, moving, mais aussi que ça bougeait aussi, moving. Donc il y a un jeu comme ça sur les deux. Et donc, il s'est dit, c'est facile finalement à faire. Et pendant 7-8 ans, Ben, ça a été facile à faire. C'était comme faire de la peinture. Il y avait une évidence, il y avait une facilité de faire ce travail. C'était confortable, comme il le dit, il se sentait confortable. Et il avait un vrai plaisir avec le processus, finalement, de l'animation. Pendant 7-8 ans, donc, comme il le dit, ça a duré sans aucun problème. C'était, ça fonctionnait bien. Et quand il a fini ses études, là, il est rentré dans ce qu'on appelle une crise artistique. Il y a vraiment eu des vrais doutes. Et tout ce qu'il faisait était pour lui vraiment nul, ça n'avait aucun intérêt. Et au bout de 6 mois, je veux dire, ça a été tellement difficile qu'au bout de 6 mois, il ne pouvait plus sortir de son lit. Et les problèmes artistiques qu'il avait étaient devenus ses problèmes à lui. Les deux finalement se mélangeaient, c'était de sa faute s'il n'y arrivait pas. Et donc voilà, donc en fait, ce qu'il a dû faire à ce moment-là, il a dû changer sa vision des choses. Et il a dû faire de manière consciente ce qu'avant il faisait de manière inconsciente. Là où il y avait, on va dire, une facilité avant, d'un seul coup, il devait bien sûr y réfléchir. Yes, and what helped me in sort of thinking about the medium or reflecting the medium in an unconscious way was an animated children's series that I was doing called Tom and the Slice of Bread with Strawberry Jam and Honey. I did 52 episodes of this series, and this helped me to craft the films and to be aware of the problems of filmmaking. And one of the first things that I found out, I mean, it's quite obvious, but like it took me a while to find that out, is that when we're working in films, we're working in a dynamic medium, right? Which separates it, for example, from the painting, right? Because if you do a painting, for example, I would say, like, this is Alexis, it looks really beautiful, and I do a portrait of him, right? And I put the portrait on the wall, then it's up to the audience to define the line of time. It's up to the audience to say, will I watch the beautiful Alexis for 3 seconds, or probably for 3 hours? Or probably, if I'm very attracted, I put it in my living room and reflect upon it for 50 years. So it's in the hand of the audience to define the line of time. And in the filmmaking, it's usually the other way around. It's up to the filmmakers, to the creators, to define the time, right? And what you need there to keep to get this experience interesting for the audience is some dynamics. So just the Alexis would not be enough, right? There has to be more than that. There has to be something like a dynamic factor. And probably I can explain in a little example. Yeah. You can translate a little bit. Yeah. Et donc, quand il a commencé à réfléchir sur le médium, hein, quand il a réfléchi à ça, il s'est dit... en fait, c'est à un moment donné où il y a une série qui s'appelle Tom, et la part de pain avec du miel et de la confiture de fraises, il a fait 52 épisodes, et il s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une vraie réflexion sur comment faire un film, finalement, et surtout sur la réalisation, comment on devient réalisateur et comment on y réfléchit. Et s'est rendu compte, même si ça paraît évident maintenant, ça lui a pris du temps avant de s'en rendre compte, qu'on était avant tout dans un médium dynamique. Il y avait une dynamique dans le cinéma, et pas à l'influence de la peinture. S'il fait un portrait, par exemple, de quelqu'un, alors prenez-moi un exemple, s'il fait un portrait de moi, le temps, c'est vous qui le décidez, c'est l'audience, c'est le spectateur qui le décide. Si vous décidez de regarder ce tableau 3 secondes, vous le regardez 3 secondes. Si vous décidez de le regarder probablement 3 heures, vous le regardez. Si jamais il vous plaît, et ben dans ce cas-là, vous allez le mettre dans votre living room, dans votre salon, et vous allez le regarder pendant 50 ans. C'est vous qui décidez finalement le temps. Évidemment, au cinéma, c'est l'inverse. C'est le cinéaste qui décide de ce temps cinématographique. C'est vraiment lui qui décide de votre expérience. Et évidemment, dans ce cas-là, si on veut rendre l'expérience intéressante, le côté fixe, juste moi, par exemple, fixe, ne suffit pas. Et il faut réfléchir à cette dynamique. Et là, il va nous montrer la transition. Yeah. Just for example, if you might say, par exemple, si there's a little boy, a little girl, and they're in love. Ils sont amoureux. On the biggest ship in the world. On the big white. great ocean. La plus grande navire avec un très grand océan. Under the stars in the sky. Voilà, avec des étoiles dans le ciel. You see, this is a very beautiful picture. Probably. But it will never be an interesting film. Not because there's anything wrong with a beautiful boy or a beautiful girl or the ship and the ocean and the stars in the sky, but just because it's static. Once anything is static, it cannot become an interesting movie. Ouais, ça bouge pas, donc ça peut pas devenir un film intéressant. Il y a rien de mauvais dans ces dans tout ce dessin, tout va très bien, mais c'est statique, donc ça peut pas faire un bon film. But once you say that, like, let's say this biggest ship in the world would hit an iceberg. Évidemment, si ce navire qui est le plus grand du monde rencontre un iceberg. So you probably realize just by watching this. Reflecting this, suddenly this whole thing gets interesting. Because there's some dynamics in it on the visible world. Like the ship will drown, the lovers will drown, you know, all that stuff. So that's important, I think, for a film to have like some dynamics on the visible side. Donc vous allez voir ça évidemment, vous allez dire bah oui, ce qui va se passer c'est que bah, le bateau va couler, eux ils vont couler aussi, et donc d'un seul coup ça ramène une dynamique, ça ramène quelque chose qui voilà, et qui est surtout visible dans le monde visible et pas uniquement donc hors cadre, mais qui est vraiment dans le cadre. Yes, but as when we're talking about animation, like the visible side is not enough, because probably you know anima, but the Latin word anima, it means the soul and the spirit. So this is heading toward the invisible world. So there should be some dynamics, not only on the visible side, but on the invisible side as well. And like the only thing that can create some dynamics is questions. Donc, these lovers will survive, thought. Just information, not interesting. These lovers will die, thought. Just information, like no interest. One dies, one survives. What? One dies, one survives. One dies, one survives. No, not interesting. but will the lovers survive? Question mark. That can be an interesting thing, right? Will they or not? Probably they drown. Probably one drowns. But probably the one will resurrect in the life of the afterlife of the other one. So, and you will find these probably in all the films that would really interest you. There's always some strong question heading towards the invisible world. Okay. Donc en fait, il y a un côté qui est visible évidemment dans le cinéma, mais l'animation évidemment, il y a donc le côté invisible qui est important. L'anima qui veut dire, vous savez, c'est l'esprit, c'est ce qui est, voilà, c'est l'âme. Et donc il faut aller vers cet invisible, vers ce côté invisible. La seule chose qui est intéressante, c'est les questions. Si vous dites les deux personnages survivent, point. Les deux personnages meurent, point. Ça n'a aucun intérêt. Pareil pour un personnage meurt et un autre, voilà, ça prend vraiment aucun intérêt. Mais si vous dites d'un seul coup, et si vous jouez avec, évidemment, le point d'interrogation, pas le point d'interrogation, est-ce qu'ils vont survivre, est-ce que les amants vont survivre, là, d'un seul coup, vous avez quelque chose qui devient intéressant. Ils vont peut-être revenir à la vie dans l'âme de l'autre, etc. Enfin, il y a tout un jeu par rapport à ça. Mais en fait, l'important, et si vous réfléchissez à tous les films qui vous ont marqué, c'est que souvent, il y a des questions très fortes qui sont mises en place pendant le film. Yeah. And so, I have the same thing with this series. I've been talking about Tom and the Slice of Bread with Strawberry Jam Honey. I had this character. Donc, dans Tom and Slice, dans le série dont on parlait, il devait dessiner ce personnage. That's Tom. Ça, c'est Tom. It's a portrait of my producer, Thomas Meyerhammer. C'est un portrait de son producteur, Thomas Meyerhammer. Actually, it's a portrait of my producer as a complete idiot. C'est un portrait de son producteur, plutôt comme un complet imbécile. But he was so charmed, right? I did this drawing, so he would always promote me and accompany with this project, although it's like sort of an ambiguous portrait. But I was having him for quite a while, a couple of years, and never knew what to do with him because it's been static. It's always been static. And like one day, I came home from work, and my wife, she said, like, you will become a father soon. And, you know, I was very touched. And like next day, I was sitting in the garden, and the sun was shining, and the children were playing, and the children were talking about strawberry jam and honey. And so I let Tom think about a slice of bread with strawberry jam and honey. Donc en fait, quand il était, il avait ce personnage avec son producteur qu'il a toujours suivi, alors que c'était vraiment assez ambigu parce qu'il est vraiment un idiot en fait. Il est représenté comme un idiot, mais il a toujours accompagné avec ce personnage-là. Il nous expliquait ce matin que voilà, il le faisait en bande dessinée, qu'il le mettait au mur, enfin au contraire, donc c'était quelque chose qu'il aimait bien. Mais évidemment, le problème c'est que c'était statique, toujours ce problème, hein, il ne bougeait pas. Et donc quand un jour sa femme revient, il lui dit bah voilà, tu vas être papa, donc il était touché, il était content, et il se retrouvait au soleil, tranquillement, il y avait le soleil, les enfants à côté jouaient, et puis d'un seul coup, ils ont commencé à penser, voilà, et à parler d'une tranche de pain avec de la confiture de fraises et du miel, et il a laissé Tom, d'un seul coup, penser, réfléchir à cette tranche de pain. Yes, from that moment, I was like prepared to do these 52 episodes. They're all about... I mean, if you've seen like one episode, you know that he will always, in the end, Tom will always get half a slice of bread with strawberry jam and honey. So this is not an interesting question. Will Tom get a slice of bread with strawberry jam and honey? Because you know, after a while you know. But how will Tom get his slice of bread with strawberry jam and honey this time? It's a really interesting question. We show you one episode, huh? Yeah, donc il a donc en fait ce qui s'est passé c'est que il a eu cette idée là que je vous montre là, et en fait il s'est dit bah voilà, ça y est, je suis prêt, je peux faire mes 52 épisodes uniquement avec cette idée là et c'est bon. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en fait quand vous regardez la série, vous savez que Tom va avoir la moitié d'une tranche de pain avec du miel et de la confiture de fraises. Évidemment, ce n'est pas une question intéressante, ce n'est pas ça qui va vous motiver de suivre l'épisode, c'est comment, et ça va être important, c'est comment il va avoir cette moitié de pain avec du miel et de la confiture de fraises litiens. Donc je fais la traduction de tout le titre aussi à chaque fois. On va voir donc un épisode. Yes, which one shall we take? Probably we do a little bit propaganda for mathematics. I'm like a big fan of mathematics, especially of the number 8. Donc, I really love the number 8. C'est un grand fan des mathématiques. On fait un peu de propagande pour la mathématique. C'est un grand fan du nombre 8. So we show you this little propaganda movie. It's called Tom Counts. Voilà, donc c'est un petit film propagande qui s'appelle Tom Counts. Oups. One day, Tom was thinking about how much he would like a slice of bread with strawberry jam and honey. He went out for a walk, but he just couldn't stop thinking about that slice of bread with strawberry jam and honey. After a while, he came across his good friend, the Miller. Hello there, Miller. Do you have a slice of bread with strawberry jam and honey for me? Yes, Tom. I put a slice of bread with strawberry jam and honey on the old log. But first, let's do some sums. It's loads of fun. I'd rather eat a slice of bread with strawberry jam and honey straight away. Here, I've got one slice, so have you. Here you are. Now you've got two. I've got no slice, you've got two. That's one for me and one for you. And since you are so very nice, perhaps you'd let me have one slice. How did that happen? I had two slices of bread with strawberry jam and honey, and now I haven't even got one. Listen, Tom. You gave one slice to the nice man, and one slice to the nice nephew. That makes two slices of bread with strawberry jam and honey you gave away. So I can use slices of bread with strawberry jam and honey to do sums? Tell me more. Okay, Tom, I'll tell you all about adding up. One slice of bread makes one, and that's one more than none. One plus one is two. That's such a simple sum to do. Two plus two makes four, but wait. Four plus four is a two, eight. Oh, so many. That sounds good. Tell me more. All right, Tom. If you eat a slice, then you aren't adding, you're taking away. It's also called subtract. Subtracting. Sounds tasty. So, about those eight slices. You'll be left with seven if you eat just one. You'll be down to six if you carry on. Then you're down to five, then you're down to four. You'll be down to three if you eat one more. Three minus two and you're left with one. And that's the end of the subtraction song. Oh, just one? Can't you make it into loads again? Of course, Tom. We can use multiplication. One times one is one, as we've already seen. Two times two is four. And there's gonna be more. And four times four is 16. Now 16 multiplied by 60, that makes my head go funny. But I think it costs 256 slices of bread with strawberry jam and honey. With adding and multiplication, it's time for a celebration. Because you will have more than you had before. It's a simple calculation. Yay! Doing sums is loads of fun. Now we're gonna give a demonstration. Well, Tom, if you're gonna give a demonstration, you'll need this. Hey, nice man. I've been learning all about counting. Look, 1 plus 1 makes 2. And 2 minus 1, that leaves 1 again. And 1 times 1, that's, sadly only 1. Oh, so few. Ah, I've just remembered. There's another kind of counting that I've known all along. Dividing. Half a slice of bread with strawberry jam and honey. Thanks very much. And so Tom finally had half a slice of bread with strawberry jam and honey. But it tasted just as good as if it had been a whole slice. And he spent the rest of the day thinking about nothing, multiplied by nothing at all. Yes, so much about the dynamics. Donc voilà pour tout ce qui est dynamique, hein, tout ce qui est mouvement. The center picture and the center question. Another thing that would give me lots of headaches in the early days is what and who the hell is the whole thing all about? And what does it focus on? Look, if you will watch my early stuff, you may find out it's like a complete mess and all over the place, not focused at all, because I would just like draw and draw and draw until the whole thing was finished. But there's a certain limitation on working this way, and so since then I keep asking myself the question, in classical terms, like, who is the hero? Who is the hero of this journey, right? And sometimes it's very easy to find out. Sometimes it like you have to think and watch twice to find out. For me, the answer is like the hero or the protagonist is the one who's in the biggest emotional development. You know, you might say like the Superman, he can like sort of go around the earth in a quarter of a second. So you know, there will be like big lots of physical dynamics, but it's like not really something that could touch us. But as soon as there's psychological dynamics, there, then there's interest for the audience. And the character or the person or the creature or the group of characters that are in the biggest emotional development, they usually turn out to be the hero, the protagonist of the story. So for example, if you take this, remember the boy and the girl in love on the biggest ship in the world, ocean stuff. Let's say this guy, he got like all the attributes of a classical hero, quite gifted and talented. He can like show the whole world with just a pencil, and he could rescue the girl. He would say like, "I saved your life. Forget all the materialism. Forget the rich guy. Like I'm the one, right? I'm the one." So he might look like this. He might be a classical hero, but if you analyze and if you watch twice, you might find out that this guy, as attractive as he might be, completely flat. The whole 3.5 hours long, he just said, like, "My love will save your life. I haven't stolen the ring. My love will save your life." And in the very end, he gives his life to save the girl. So that's static, right? That won't make an interesting story if you focus on guy like that. But if you look at the girl, like, oh, she's a material girl. She goes from the old world to the new girl, the rich guy and all the wealth, right? And she found out during that story, by meeting that guy, like, that probably the materialism is not the, like, the final answer to all her questions. And probably the poor guy with just a pencil in his hand is like sort of a bigger force. And so there is an emotional development, which is just tiny, right? She comes to the ship already having doubt. This guy is sort of a suspicious guy, and he doesn't treat her well. But in these 3.5 hours, she will make a little psychological movement. And this is enough to tell that story. And if you analyze sort of the films, probably the films you like, probably the films that really touch you, you will find out there's always a certain emotional step in the main character that they gotta go. For example, there's a little boy, he always says, like, "I want to stay in the jungle," but in the very end, he just like sort of, without force and without pushing him, he will leave the jungle and go into the place where the humans are. Or this girl, in the very end, she will accept the gift of the talented boy and let him drown, right? Let him drown and sort of then be able to see the new world. And so she's in the biggest emotional development. So there's no wonder why it's all told from her point of view, from the point of view of a 108-year-old woman that sort of drowns the ring in the big white ocean because the love is bigger than the material. Right? And you will have that. You will have that with Tom as well. You have like the main hero, it's Tom. He's like in an emotional development, and you will always have the antagonistic forces, which will be Tom's friends, and you will always have the symbol, which is a slice of bread with strawberry jam and honey. And with these three elements, like the protagonist, the symbol, and the antagonist, you will usually have like the tools or the material of telling the story. It's the same thing, the protagonist, the antagonist, the symbol. So this is the biggest ship in the world. So this means, like, it's an extensive symbol. It means like the whole production will cost $200 million. And it's a very, very simple symbol, only costs €20,000. Mm-hmm. So it's important, I think, like sort of the symbol you choose, and that's the one thing. And how big is the antagonistic forces? The bigger, the more expensive. The more skillful you gotta be as an artist to execute it. The more simple, the more concentrated, the easier it is. So Well, for me, important the question: who is it all about? Who's the hero? And the other thing is the structure. What's the structure or the individual structure of your story? How will you execute it? Okay. L'une des choses qui m'a donné beaucoup de maux de tête dans ce premier film, c'est en fait l'idée était de faire un focus sur vraiment les dessins qu'il faisait, tous les dessins qu'il faisait, c'était ça auquel il pensait. Il ne pensait pas finalement à d'autres questions, et en fait il s'est rendu compte à un moment donné qu'il devait penser à une question qui était la question du héros à travers son voyage, comme ça, à travers le film. Et il s'est rendu compte que c'était pas, des fois c'est facile, mais des fois il faut vraiment réfléchir à deux fois, de se dire mais qui est le héros finalement, quelle est la personne qui nous émeut et vers lequel on a envie d'aller. Et il s'est rendu compte que c'était le personnage qui avait l'un des développements émotionnels les plus forts. Par exemple, si vous prenez Superman, si c'est juste voilà, le fait qu'il tourne autour du monde, bon, bah, c'est pas très intéressant. C'est pas ça qui va nous toucher. Il faut que le personnage y ait un développement psychologique très important. Que ça soit une personne, une créature, un groupe de personnages, c'est vraiment ça qui est important. Donc, on revient sur l'idée du film là, qu'on a ici. Vous avez un héros, et en fait, si vous regardez le personnage, il a tous les attributs du héros classique, on va dire, hein, avec lui, mais si vraiment on n'a que ça, ça va être ennuyant. Les 3h30 de film que vous allez faire vont vraiment être ennuyants. Il va vous dire, ben voilà, mon amour va sauver ta vie, grâce à mon stylo, je vais devenir, tu vas comprendre ce qu'est la vie, les gens qui ont de l'argent, ça ne sert à rien, viens plutôt voir avec moi, les gens qui sont plus pauvres, etc. etc. Mais ce n'est pas très intéressant. Si vous mettez une fille à côté, et cette fille est plutôt dans un monde matériel, ça c'est plutôt ça qui l'intéresse, d'un seul coup elle va se rendre compte en fait qu'en rencontrant ce garçon, eh ben, il y a autre chose. Peut-être que ce charmant garçon avec juste son stylo est suffisant finalement pour l'amener vers autre chose. Évidemment dans le film elle a déjà des doutes, hein, tout ne se passe pas comme ça, elle a des doutes avant d'arriver, la personne avec qui il est, elle ne traite pas forcément déjà très bien. Mais quelque part, le fait juste qu'elle va comprendre ça, elle va faire cette étape pour aller d'un personnage à un autre, c'est un développement psychologique suffisant pour que vous soyez touché par le film, pour que d'un seul coup, vous alliez vers le film. Et si vous regardez, si vous réfléchissez en fait à tous les films que vous aimez bien, il y a besoin de cette étape émotionnelle, juste cette petite chose qui l'amène d'un endroit à un autre. Un petit garçon qui décide pendant tout le long du film de ne pas sortir de la jungle, et alors qu'il n'y a rien qui le pousse, mais qui va au dernier moment faire le pas et aller vers les hommes. C'est ça qui va être important. Et d'un seul coup, c'est le fait qu'elle accepte le cadeau hein, de cet homme, où à la fin, évidemment, comme elle le disait, il va couler comme ça pour elle, et elle va accepter finalement son sacrifice. Hein, vous avez, j'espère tous compris, évidemment, vers où il veut aller par rapport à ce film-là, elle va, grâce à la mort de ce garçon, elle va voir un nouveau monde, elle va aller vers autre chose, et c'est ça, et c'est pas étonnant pour lui, évidemment, que tout est dit de son point de vue à elle, et non pas de l'autre de point de vue du garçon, c'est parce que c'est elle qui change, c'est elle dont la modification, finalement, est importante, et quelque part, c'est son point de vue. C'est la même chose pour Tom, en fait. Tom, il a une vision, enfin, il a un changement émotionnel comme ça, qui est assez limité. Il a des antagonistes qui sont ses amis, et il a un symbole qui est cette tranche de pain. Et en fait, ces trois outils vont vous permettre de raconter une histoire. Alors, évidemment, si vous avez en symbole un navire qui est énorme comme ça, et ben, le film va vous coûter 200 millions de dollars. Voilà, vous allez jouer là-dessus. Alors que si le symbole, c'est cette tranche de pain, et ben, vous allez vers quelque chose qui est différent et qui va vous coûter 20 000 euros. Vous n'avez pas du tout la même chose, et en fait, plus vous avez des antagonistes compliqués, plus vous avez des symboles compliqués, ben, plus ça va être difficile, alors qu'évidemment, sinon, vous allez vers la simplicité. Il voulait revenir, vraiment l'important pour lui, donc c'est toujours de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette histoire, qu'est-ce qui motive finalement cette histoire et ce film. Yes, thank you. There's probably a few more words about the structure. I think that's important. The first important thing for me is like, once I got a center picture, I put it where it belongs to, like in the center. You know, in the early days, I was always so excited about having some idea that I would always start with it. You see, like that would go something like, the ship hits the iceberg or something. And then you run out of idea, and then you've come to the point where you have to invent some pink elephants or something. And so what I do now is I put the center picture in the center. Donc il met bien l'image au centre en fait. Hein, avant il disait j'avais une idée, puis bah, ça me suffisait en soi, j'étais content de l'idée. Par exemple, ben, le navire va heurter l'iceberg, et c'était tout. Puis après, il fallait réfléchir, il fallait créer des éléphants roses, enfin voilà, ce genre de choses. Là, non, c'est fini. Maintenant, il met bien l'image en plein centre. Right, so usually, once you put it in the center, you'll find out that the beginning is usually no problem at all. Vous allez vous rendre compte que le début, si vous le mettez bien au centre, le début, là, c'est vraiment où il n'y a aucun problème. Like, rich girl has to come to the big ship, poor boy has to come to the big ship. Voilà, exemple, la fille riche doit aller au navire, et le garçon pauvre doit lui aussi aller au navire. Right. Se rendre. With the ending, it's usually not that simple. Anybody who ever done a film has found out that the ending is usually a complicated thing. It could be a nightmare because you don't have only one possibility. You usually have four possibilities, and this is a very good thing. You should not be afraid of that. You should be happy with that because all the possibilities could be exciting and could make this story interesting. Like, let's say, like the ship is drowning. Will the lover survive? You have, like, mathematically, you have like four possibilities. Both lovers survive. The boy survives. Girl dies. Girl survives. Boy dies. Both die. Yes. Right. So, and each of them could be of some relevance for the story. So you should, like, keep them alive, keep them vital, and you will find out sort of they could be useful for telling the whole thing. Like, but which one to pick? Which one to pick? It's like not an easy decision, and you can't find it in any book because which story to pick? This is up to the filmmakers, and it's about to make like pants down and tell what you really want to tell, and you usually do it by initiating a story. And you're initiating a story usually in a way of asking a relevant question that's of some interest and of some excitement for the audience. And you usually initiate these stories on a psychological level and on a physical level. So you might say, poor boy and rich girl come to the biggest ship in the world. Then they meet, and the boy tells the girl that my love will save your life, and they fall in love with each other. So it's a psychological thing. And then the ship will hit the iceberg and start to drown. So now we have the story initiated on both levels. On the psychological, you might say the invisible level, and on the physical level. The love, the ship. And now, once you manage to ask this question in a way that in an exciting way that the audience is able to understand, there's a whole dynamic spreading in two different directions. Right? There's like these four possibilities, and they all seem to be relevant. There might be sort of moments where it looks like both of them will die. There might be moments where it looks like both of them might survive, and there might be moments where one might die and the other might live. And usually you tell the answer here in the resolution of the story, and that's where you should keep your most important and most relevant probably most original card, right? To end the story. Don't play your best card here. You can only go down from there. Play your best card here, like something like, you know, the story goes on, the ship goes down, the boy seems to be a thief, but he turns out to be not a thief, you know, like in the end there's just like the whole ship is gone, there's only one piece of wood, and it's not big enough to save both of them. So the one boy gives his life to save the girl, looks like he's dead, but he's not. Because once she arrives in the new world, he will be reborn in her. And she will live a complete, happy new life, and she will keep him in mind, and she will have children with him in mind. So in a certain magical American way, they both survive. And you will have it probably in all the films that completely satisfy you, you might find that they keep their best part until the very end. It doesn't have to be too original. It's about you as a filmmaker to make it original. So if we take this other example of the little boy in the jungle, you remember Little Boy in the Jungle? So the little boy grows up in the jungle quite happily amongst the wolves. Everything's fine until one day it's rumor spreads out that Shere Khan, the tiger, he will come to the jungle to hunt the humans. And he will hunt the little boy before he will become a grown-up and be able to kill him. So the community decides this boy has to leave the jungle physically. They take the panther. He will get into the humans. So the story is initiated on the physical, on the action level. 2 minutes or 3 minutes later, once the panther says to the boy, we'll go to meet the humans, I'll get you to the humans, the little boy said, no, never. I live in the jungle, it's my home, I won't go away, I stay in the jungle. Physical, tiger, no, boy, psychological, right? Will the boy be able to stay in the jungle? That's a big question. Spreads from both sides. Might be able to stay in the jungle. He might find a father bear who might adopt him, strong and handsome. So he probably might be able to stay. But there's also snakes, evil monkeys, and the tiger coming closer. Right. So you have like two possibilities: life and death. And like there comes a point where the tiger. Where the community succeeds over the tiger runs with a fire on his tail, runs away forever, won't come back. So now the little boy, he could stay in the jungle. He could be quite happy with his community. But then suddenly, he hears a little voice singing in the distance. And he has a look, and he sees a beautiful girl singing. And as if in trance, he would leave the jungle and go to the place where the humans are. And so the story ends out in a different way than we first expected it. And this little girl singing, it's not the most original thing in the world, right? We've seen these girls before in other films, but in this particular film, they hold her back. They were clever, like in the old days, they won't show the girl, right? So once she turns up, she becomes like the biggest surprise and the most original thing in the story. The key to find the end of the whole narrative. So that would be my advice for everybody who ever wants to do a film. Find out what's your best card, keep it to the very end, and then play it in the end and not in the beginning. Yeah. Come on. Oui, donc vous savez que pour ceux qui ont réalisé des films, qui ont réalisé des films, vous savez que la chose la plus difficile, sûrement, c'est la fin. Je crois que j'ai attendu. Ah. Pas mal. Oui, voilà. En fait, quand vous avez cette idée de fin, c'est la fin qui est là. vous avez quand vous commencez, en fait, vous voyez le début est faisable, en fait. C'est quelque chose qui est une évidence. Si vous avez le sens, si vous arrivez bien à mettre le sens, vous aurez facilement le début. Mais par contre, si vous avez déjà fait des films, pour ceux qui ont déjà fait des films, vous savez à quel point la fin est très compliquée. C'est vraiment une des choses les plus complexes à avoir. Ce qu'il disait, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Il ne faut pas se laisser angoisser par le fait. Au contraire, vous avez de la chance. Plus vous avez de possibilités, mieux c'est finalement pour le film. Par exemple, pour revenir sur cette histoire, on a la possibilité où les deux meurent, ou l'un des deux meurt, ou les deux survivent. Voilà, on a quatre possibilités. C'est intéressant de toujours les garder, en fait. On ne sait pas lequel on va choisir. C'est difficile d'en choisir un finalement des quatre. Il ne faut peut-être pas le choisir de suite. En tout cas, il faut vraiment y réfléchir pour voir en fait la direction que ça va prendre, vers où on va l'initier, en fait, pour que ça devienne vraiment intéressant finalement. Et il nous dit, pour lui, il y a deux choses qui sont intéressantes, le côté psychologique et le côté physique. C'est vraiment les deux choses qu'on doit amener, en fait, dans un film. Par exemple, là, toujours dans cette idée, il y a le côté de cette femme, de cette jeune femme qui va devoir changer sa vie, en tout cas qui va réfléchir, qui va rencontrer cet homme et qui va peut-être changer sa vie. Ça, c'est le côté psychologique. Elle va peut-être aller vers autre chose. Mais il faut qu'il y ait un côté physique. Le côté psychologique ne suffit pas. Le côté physique, c'est le bateau va-t-il donc heurter l'iceberg, et finalement, qu'est-ce qui va être important? D'un côté, vous avez l'amour d'un côté, psychologique, le bateau de l'autre, avec l'iceberg, le côté physique. C'est ça qui va être important. Merci. Il faut pas hésiter, en fait, à ce que vous gardiez ce mouvement de dynamique, hein, qui disait, dans plusieurs directions, ne pas de suite se focaliser sur l'une ou l'autre. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce qui est important, on va dire, pour l'histoire. Et il en venait à quelque chose d'important pour lui, c'est surtout garder sa carte, l'originalité, la plus originale que vous avez, pour la fin. Ne jamais la mettre au milieu, aucun intérêt, toujours la garder pour la fin. C'est vraiment ça qui est important. Et donc voilà, donc par exemple, là, dans la vision de ce film-là, à la fin, on se rend compte qu'on n'a plus, même plus le bateau, on n'a plus, qu'un petit bout de bois, et que le petit bout de bois, il n'est pas suffisant pour que les deux, finalement, restent sur ce petit bout de bois. Donc il y en a un qui doit se sacrifier, et évidemment, c'est lui qui se sacrifie. Mais il n'est pas complètement mort, parce qu'il revivra finalement plus tard dans son âme. Ils feront des enfants dans leur tête, etc. Et il y a ce côté un peu magique, évidemment, du cinéma hollywoodien américain, comme ça, de finalement faire revivre les choses de cette manière-là. C'est pas très original, hein. L'important, c'est que vous, en tant que réalisateur, pour ceux qui font, le réalisateur, c'est lui qui doit voir comment on amène ces choses-là et comment on les rend originales. Si vous vous rappelez de l'histoire qu'il a dit, donc avec ce petit garçon qui est élevé dans la jungle, finalement, à un moment donné, on apprend quelque chose, c'est qu'il y a un tigre Sherkan qui est là et qui va venir en fait tuer le petit garçon avant qu'il devienne adulte, et avant que le petit garçon, donc devenu enfin adulte, puisse le tuer lui-même, et il va essayer de le tuer. Ça, c'est le côté physique. Est-ce qu'on garde le petit garçon, la tribu, est-ce qu'on garde le petit garçon finalement dans la jungle? Non, il faut l'amener chez les hommes pour qu'il soit sauvé. Sauf que le côté psychologique arrive juste après, puisque le petit garçon qui devrait se dire, oui, je vous suis, dit, non, moi je reste là, j'ai été élevé dans la jungle, j'étais élevé avec vous, donc je reste bien évidemment avec vous. Et donc, c'est là où ça va commencer, sauf qu'évidemment, dans cette jungle, il y a des serpents, des singes diaboliques, et que va se poser la question, évidemment, de sa survie. Et là où c'est fort, c'est que finalement, Sherkan fait fuir de la forêt, de la jungle, donc ça y est, tout est bon, le petit garçon, on est content, va pouvoir rester dans la jungle avec sa famille. Et c'est là où les scénaristes de la bonne vieille époque, notamment évidemment la Disney hollywoodienne, d'un seul coup sortent leur carte d'originalité, et d'un seul coup lui entend un sifflement, et il se rend compte que c'est une très jeune fille, jeune fille qui finalement fait ce sifflement, et donc il va vouloir aller la suivre évidemment, et donc là d'un seul coup, c'est pas la fin qu'on attendait, finalement il s'enfuit de la jungle pour retourner chez les humains. C'est vraiment, s'il devait dire une chose qui est importante, c'est essayer de trouver ce qui est l'idée originale de votre film, en tout cas votre idée originale, et vous la gardez surtout pour la fin. Okay. I think we should watch one more Tom film, because yes, you always have to see two. And so we're going to watch the Freudian one, no? Not the Freudian one. No, okay. No, we watch Tom and the Queen Bee. Oh, yeah. One day, Tom was thinking about how much he'd like a slice of bread with strawberry jam and honey. He went out for a walk, but he just couldn't stop thinking about that slice of bread with strawberry jam and honey. Hello there, bees. Do you have a slice of bread with strawberry jam and honey for me? No. But today's the day when the queen bee arrives. So get out of the way. Are you bees ready to meet her right royal majesty, the queen bee? Of course. Okay, but I don't see the legendary Tom anywhere. Her right royal majesty says that she particularly wants to meet him. The legendary Tom? How could we have forgotten him? Quick, grab him! Tom, by right royal command, you have to come with me. But I was just about to ask the miller for a slice of bread with strawberry jam and honey. Forget about that, Tom. Listen carefully, Tom. When a right royal majesty arrives, bow low, like this. I'm about to know one. All I'm interested in is a slice of bread with strawberry jam and honey. By right royal command, Tom, forget about the bread. Oh, the legendary Tom, very good. But without his world-famous slice of bread with strawberry jam and honey, a right royal majesty said she was particularly interested in seeing that. Obviously. And why not? The legendary Tom's nothing without his sticky gimmick. Does that mean I'm going to get a slice of bread with strawberry jam and honey? You're not going anywhere, Tom. You're staying right here. We'll take care of the bread. Bread, bread, bread. It's the Queen Bee's big bread baking song. Jam, jam, jam. Strawberry jam and a rama-lama ding dong. That's just how it was planned by her right royal majesty's command. Hooray! A slice of bread with strawberry jam and honey. Thanks very much. Hold it. That's for the queen bee to look at and admire. I've had enough of this nonsense. First, you won't give me a slice of bread with strawberry jam and honey because of her right royal majesty. Then I'm not allowed to get one for myself because of her right royal majesty. Then, when I finally do get one, I'm not allowed to eat it because of her right royal majesty. Your stupid queen bee is a right royal pain in the neck! The right royal majesty, the queen bee. Thank you. And it's a show for kids. It's for kids. Yeah, yeah. That's it. Got nothing more to say about the whole presentation, or because that's we talked about it a little bit this morning. There was not because that's still, I mean, really strange. Every time I see it, for me, that, you know, we don't have that kind of really TV series for kids. I told you that this morning, but it's, I mean, I don't know if a lot of people. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous, en tout cas, mais il y a assez peu finalement de séries télé pour enfants. C'est une série télé pour enfants en Allemagne, hein, qui passe et qui est cette liberté. I mean, there is a freedom in the. I mean, it looked like more the Fletcher brother, you know, like. Yeah, or the Flintstones. The Flintstones. They were my, like, when I did the series, I tried to remember the Flintstones because I was obsessed with the Flintstones when I was a 3 or 4 year old boy. I would always like want to have a look where they are and how they get in there. And I remember, you know, when they would walk. You remember this thing with the Flintstones walking on, just the feet would walk and they just move the body. I would love that. And I try to remember that when I did the Tom. And the children in Germany, they really, really love Tom. Like from the very first day, we had good reaction. We had a little game on the web that they could play. We had a number of films out. And as much as the children loved it, the parents hated it. The parents would write like lots and lots of awful letters. And the poor editor, he had to answer them all. It was a rule. They have to answer these letters. And they were sitting there in the big like TV thing, like all these editors meeting and like discussing the thing, and but the children always kept him alive, and we used these awful letters to, you know, they always were saying like, what's this stupid stuff, and it's always the same. Why is it always the same? And you're sort of like, you're making our children brain dead, and it's all very silly, and the guy looks silly, and why does he look so silly, and why does he wear a blue cloth, and why does he only have 5 hairs, and why does he have stick arms, and why he has these stupid glasses, and they thought it was really, really stupid. We used that. We used that for all that criticism. I always I'm very thankful for criticism, because I could use it for the future work. And we did one film called Tom is Silly, just for this for this part of the audience. Donc je lui demandais, parce que bah, vous avez entendu, je traduis l'idée de. C'est un peu surprenant, moi, c'est vrai, ça me faisait penser à peut-être même faire Fleischer, enfin voilà, une espèce de liberté comme ça qu'on n'a pas forcément. Il lui disait que c'est surtout les Flintstones, les pierres à feu, hein, c'est les années 60 américaines. Il était vraiment obsédé, comme il vous l'a montré, il essayait de regarder derrière l'écran, savoir d'où ils venaient, en fait, où ils étaient, parce que c'était tellement. Voilà. Comme il disait tout à l'heure, aussi un peu magique. Hein. Et quand il a fait Tom, il a essayé de se rappeler de ça, en fait. Ce qui est étonnant, c'est que les enfants adorent Tom. C'est vraiment quelque chose qu'ils adorent et les parents détestent. Alors, dès le début, pardon, les enfants ont aimé. Hein, il y avait un petit jeu sur le web. Ils sont tout de suite mis à jouer à ce petit jeu. Et vraiment, ils adoraient le personnage. Par contre, comme je disais, les parents ne l'aimaient pas du tout et recevaient des lettres. La production recevait des lettres de parents indignés en disant « qu'est-ce que c'est que ce personnage? Il est stupide. Pourquoi il a que 4 cheveux sur la tête? Pourquoi ?» Enfin bon, il est vraiment ridicule. Et vous savez, à la télé, on est obligé de répondre. Enfin voilà, les producteurs sont obligés de répondre aux gens. On ne peut pas laisser ça sans réponse. Donc voilà, ils étaient assis dans leur grande réunion, comme ça, réunion tous ensemble, en essayant de trouver des réponses. Mais en fait, il dit qu'il aime bien ça parce que voilà, le fait que les gens disent qu'on laissait leurs enfants un peu sans cerveau, hein, sans rien, à cause de cette série, que ça ressemblait toujours à la même chose. Et bien, quelque part, il s'en sert pour ensuite faire des épisodes, pour un peu s'amuser avec eux. Il aime bien finalement quand on le critique et il trouve ça plutôt intéressant. Il les remercie même, ils ont fait un épisode qui s'appelait donc Tom est imbécile. Tom est un idiot, qui en fait évidemment était pour ces gens qui se plaignaient que Tom était un idiot, et ben donc voilà, c'était directement pour eux qu'il faisait cet épisode. With all that, yeah, Ilan is right. I saw like 5 episodes of it. So have you ever seen Tom is silly? No. Okay. One day, Tom was thinking about how much he'd like a slice of bread with strawberry jam and honey. He went out for a walk, but he just couldn't stop thinking about that slice of bread with strawberry jam and honey. And here we go again. He meets his old friend the miller. Let me guess. They say hello. He asks the miller for a slice of bread with strawberry jam and honey. The miller doesn't have one. They say goodbye. And he goes on his way. Always the same. Totally silly. Age is coming straight towards us. Don't waste your breath. No, I don't have a slice of bread with strawberry jam and honey, okay? And I'll tell you something else but nothing. You walk around with an empty head, except for strawberry jam and honey and a slice of bread, asking everyone you meet whether they've got one. Just face the fact, you silly Tom. With your silly smile on your silly face, saying strawberry jam and honey like it's your catchphrase, you drift through life like it's a bad sitcom. Just face the facts, you silly Tom. You pass around in a long blue dress, got a big bean bonce with hair and specs, and the way you say hooray makes me want to vomit. Just face the facts, you silly Tom. Hey Tom, is anything the matter? Nothing's the matter, I'm just silly. Silly? Why do you think that, Tom? It's obvious. Slices of bread with strawberry jam and honey are silly. My long blue shirt is silly. My hair and my specs and my baked bean buns are silly. Just like me, silly. Tell me Tom, have you been talking to Minnie and Mona, the moaning minis? But they don't know anything about anything. Don't they? Of course not. You and me will have to teach them. You know what you like. What's silly about that, Tom? Is making honey silly to the bee? Oh, no. Or the strawberry mouse with a strawberry house and her strawberry fields. Or the crocodile stomps those strawberries. And I bought you a slice of bread, and I bought a spare one. A slice of bread with strawberry jam and honey. That's not silly, Tom. It's not silly, Tom. So, how are you feeling now, Tom? Totally thrilled! Tell you what, we'll take one of these back to my place and share it, and we'll leave the other one here. Maybe someone's hungry. Ah, a wonderful idea. And there they go. They're breaking it in half. Let me guess, now he's doing his silly cartwheel with some joy. Yeah, and so Tom finally has half a slice of silly bread with silly strawberry jam and honey. But it tastes just as good as if it were a silly whole slice. And he spends the rest of the silly day thinking about nothing at all. laisser la parole si vous avez des questions, évidemment. If you have some question, we will. If you have some question, sometimes you have to do a mark, an interrogation mark, not a point. I want to ask two things to Andreas, so you have to think in your head, you know, prepare mentally to ask question. But I have two things to ask you. First, of course, the music. We didn't see Love and Theft, but I hope some of you this morning, j'espère que certains d'entre vous ont vu ce matin Love and Theft ou qu'ils l'ont déjà vu. On va parler un tout petit peu de musique. What is your relation to music? Are you a musician? Not really. Only sing in the bathtub, but like I have a strong relation to music, and I always try to use the music in a way to make the films more rich and to give it a bigger variety. So I work with different musicians. It depends on what the issues are, but what I usually do is with a picture to set up the basis for the musicians to work. So all the films are animated on a certain beat and on a certain rhythm. With Tom, the beat is like 6 frames, or 2 times 6 frames, like 12 frames. And this sets up like the rhythm for the whole thing to happen. For example, like the Tom is 2 times 6, and the Miller is 24, which is like 4 times 6. And the Strawberry Mouse is 3 times 4, which is 12, which is connected to the 6. And the bees are 3 times 12 with the 36, which is connected to the 6. Like as it's all connected, you have the possibility to use it like a musical. You know, like all these characters be able to interact and to sing together. And a guideline for the animators to animate them in a certain rhythm. And I find that quite comfortable, because once you have a rhythm, you can work on it, but you can as well forget it if you don't need it, right? And you can always come back to it if you need it. So for me, this is like the most important thing. It's rhythm more than music, I would guess. Donc je lui demandais, parce qu'il a une relation vraiment très particulière à la musique, je lui demandais s'il était lui-même musicien. Il chante la viole dans sa baignoire, mais pas plus que ça. Mais il a une relation très forte avec la musique. Il essaie d'utiliser la musique pour rendre le film plus riche, hein, pour l'enrichir. Selon selon le film va aller, on va dire, il va utiliser des musiciens différents. Il utilise en fait, et il expliquait aussi ce matin, l'image pour le rythme de l'image pour pour constituer le rythme en fait du film. Certains beats comme ça qui sur lequel il va jouer, ça peut être 6 images ou 12 images. Là par exemple, ou 8 images, hein, comme je disais. Là par exemple pour Tom, c'est cette idée de 6. Alors il a dit plusieurs choses. Hein. Tom c'est 2 fois 6 par exemple, le Miller c'est 24, le fermier c'est 24, donc 24 ça fait 4 fois 6. Puis il y a la souris, enfin voilà, mais tout est connecté à 6. Et pourquoi il dit ça? C'est parce que ça lui permet en fait que chacun chante l'un avec l'autre. Il le disait encore ce matin, une comédie musicale quelque part, ces films. Et donc il y a vraiment l'idée d'un seul coup de connexion l'un vers l'autre. Et voilà, de chanter tous ensemble. Donc l'idée c'est qu'il utilise réellement l'animation pour créer le rythme. Ce qui lui paraît intéressant, c'est que vous pouvez avoir un rythme, vous l'avez dans votre tête, puis vous pouvez l'oublier, puis revenir, puis l'oublier. Et donc il y a ce va-et-vient en fait qui est plutôt intéressant pour lui. You did some music video, so it was different because you had the music before doing. But that was the same. It's more or less the same. Of course, you have the music. Once you have the music, like you're stuck with it. Like you analyze the sound and then you make it work with the sound at the moments where you want it to work, and then you get away at the moments where you want to create a certain suspense between the sound and the picture. You should be aware that it's not always like exactly the same. You probably know this term Mickey Mousing. This term was invented after the first sound films with Mickey Mouse, because Walt Disney at this time, he was obsessed in giving every movement like a certain sound. And on the one side, it's quite intense, because like each movement would be intensified with a sound. But on the other side, it gets like a bit lame, because these two layers, the sound and the pictures, they are always matching, and there was never a suspense created between the two of them. So I think as important it is to work with the music and to keep it a synchronicity between the music and the pictures, as equally important it is to like get away from that synchronicity, to not keep it lame and boring after a while. Donc je disais, il a fait des musiques, des vidéoclips aussi, et je lui demandais si c'était un peu la même chose. Il me disait que oui, en fait, on analyse évidemment la musique, parce que là vous l'avez avant, vous analysez la musique, mais l'idée c'est d'en partir aussi toujours. Et il disait un point qui était intéressant, c'était le suspense qu'on pouvait créer entre la musique et l'image. Donc voilà, comment on arrive à créer ça. Vous connaissez peut-être un terme qui s'appelle le Mickey Mousing. Alors j'ai un trou de mémoire, je ne sais pas si Sylvain va pouvoir m'aider. Donc c'est le créateur aussi de musique de Tex Avery. Et j'ai un trou de mémoire qui était le créateur musical de l'époque. I don't remember the one who did the music in the Walt Disney at the beginning. He did the Tex Avery one, but okay. Pardon, j'oublie en tout cas. Et c'est ce compositeur musical qui en fait a inventé plus ou moins le Mickey Mousing. Enfin voilà, c'est lui qui a joué là-dessus. J'oublie le nom parce que c'est pas grave. Walt Disney était vraiment obsédé hein, à cette époque-là pour vraiment que chaque mouvement en fait corresponde à un bruit, à un son. Et en fait, il dit que c'est un petit peu ennuyant au bout d'un moment parce que quand vous avez ces deux niveaux, image et son, alors c'est intéressant la synchronicité des deux, mais au bout d'un moment, ça peut être vraiment ennuyant d'avoir la même chose qui se passe à l'image. Et l'idée, c'est à l'image et au son, pardon, et l'idée c'est de pouvoir s'en sortir de temps à autre, aller dans un sens, aller dans un autre, et pouvoir finalement jouer avec ça, de s'en échapper, sinon ça pourrait être ennuyeux. The last question, la dernière question avant de passer le... Mais là vous devez poser des questions, hein, parce que je vous ai laissé du temps. Donc the last question before... the animation. Yeah. Donc dernière, promis, tu vas voir, comme ça tu vas l'avoir. Allez, réfléchis, attends, juste poser la dernière question. Animation. The animation, just to tell us, because you said this morning it was really, actually what you love in the medium, to do animation, not to, you like to direct, but you said doing Tom, you get away from really the animation. Yeah, I couldn't animate on Tom because we had to do these films fast. We had to do one a month or 12 a year, and I had to focus on writing the stories and designing and directing these films, and I could only write the dope sheets and not animate. And I was missing this after a while. So like the next free film I was doing, the one you mentioned, Love and Theft, this is all about the joy of animation. It was that it had no script, didn't even have a proper concept. It just like the only thing was like sort of go in there in the morning and enjoy animating stuff. Donc voilà, je lui demandais parce que ce matin il disait le concept, est-ce qu'on pourrait avoir des micros le processus donc d'animation, c'est vraiment ce qu'il aime, c'est vraiment ce qu'il adore. Et en fait, je lui demandais, parce que par rapport aux séries Tom, c'était un peu la problématique, c'est une série télévisée, donc on doit évidemment produire énormément, et lui devait faire surtout la réalisation et la scénarisation. Et en fait, c'est quelque chose qui l'a beaucoup ennuyé au bout d'un moment donné. En tout cas, le fait de ne pas être par l'animation l'embêtait. Et au bout d'un moment donné, ce qu'il a fait, c'est que pour Love and Theft, encore une fois, j'espère que certains d'entre vous l'ont vu, qui est une espèce de clip comme ça, absolument fou, animé avec plein de personnages d'animation, et c'est un véritable hommage. En fait, le matin, la seule chose, il n'y avait pas vraiment de concept, il n'y avait pas vraiment de choses comme ça. L'idée, c'était d'aller le matin au bureau et vraiment se faire plaisir. Le vrai plaisir d'animer, le plaisir de l'animation en soi, c'était vraiment ça. Il n'y avait pas de concept derrière. Génial, merci. Ça marche, oui, t'inquiète pas, vas-y. My question to Andres is that, musically speaking, what has inspired you? Like the musicals you enjoy, the music you like. Like, can you discuss that a little bit? I like the Cramps. Alors, juste la question, c'était pour vous comprendre bien, c'est quelle est la musique qui l'inspire, les comédies musicales, enfin voilà, qu'est-ce qui l'inspire? The Cramps. Okay. The Cramps. Yeah. You know the Cramps? Yeah. Yeah. Of course. Yeah. Yeah. Donc les Cramps, bien sûr, un grand groupe punk rock. I like the Carter Family. The Carter. The Carter Family, like old American country music from the 20s. I like that. la Carter, la famille Carter, qui est visiblement un groupe des années 20 country, voilà, américain. That's another music, donc. Kraftwerk. I like Kraftwerk. Et il aime aussi Kraftwerk, qui est un groupe un peu étrange, un peu électro, enfin, des débuts, c'est un peu compliqué. And what about musical comedy? Do you like, I don't know, old musical comedy by Hollywood? No. Like what? I don't know, Fred Astaire movie, or I don't know, Light and Lily, or A Star is Born. High School Musical. I have to watch it. No, you don't have to watch that one. It's a Disney, really bad. Okay, and Bob Dylan, of course. Yes, of course, yeah. I like Bob Dylan. Love and Theft, actually. Donc le nom à Love and Theft, donc c'est ce fameux album de Bob Dylan, one of the new albums for Bob Dylan. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non? Ouais, un petit peu plus loin. On a encore 5 minutes avant la projection de Gus, le petit oiseau, grand voyage. Okay, thank you for the masterclass. It was incredible. I want to ask you what inspired you in terms of storytelling, or what inspired you in terms of story? How you come with ideas? I think it has a lot to do with the songs. Actually, I have the place where I work. I have a vinyl record player, and I listen to these songs, especially the songs that tell a little story. And for me, that's probably the biggest inspiration. And like, especially some of these American and English stuff of the 19th century, it's so uncorrupt and weird and strange in terms of story. Like that would be a big inspiration. In general, I'd like to be inspired of fields that have nothing to do with my own field, right? Because if I would be very inspired by, I don't know, Nick Park and Wallace and Gromit, right? Suddenly, like, probably all the characters would have these funny faces, and I don't want to do that, you know. So I made the experience, if you steal from other fields of the art, you usually have to transform it. You have to put in some... it's a creative process in transforming things. So the further away from my own field the inspiration is, the better it is to be transformed. So it basically comes from books, music, and mainly of real life. I mean, the biggest part of my work is autobiographic films. We couldn't show any of these here because they're all like pornographic, and they said like probably it's not the best place here to show it. But if you ever come to Germany, like visit me, I'll show you one of these. Okay. Donc la question c'était qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'inspire le plus? Et en fait, ce qui l'inspire le plus, donc au niveau de la narration, pardon, de la narration, qu'est-ce qui l'inspire pour raconter des histoires? Donc en fait, il dit surtout les chansons. Finalement, il a un tourne-disque, une platine vinyle, on dit maintenant, pardon, j'ai encore un tourne-disque, platine vinyle, voilà. Et il aime des chansons qui lui racontent des histoires. Ça, c'est important, des groupes, enfin des chansons anglaises ou américaines du 19e, par exemple fin 19e, où il se rend compte que c'était vraiment, c'est encore très bizarre, il n'y a pas de censure quelque part, de naturel, et il y a vraiment une inspiration qui est incroyable qui vient de ces chansons. Et quelque part, c'est étonnant, là je rajoute une petite parenthèse, mais c'est vrai que pas mal de grands auteurs le disent. Finalement, il s'inspire pas mal aussi de ce qui n'est pas son propre art. Il aime bien aller voir dans les autres arts, ce qui peut l'inspirer. S'il était fan de Nick Park et de Wallace et Gromit, et tous ces personnages, auraient des visages un peu étranges, comme il a fait très bien. Et il s'est rendu compte que, voler des autres champs artistiques était le plus intéressant, et pas forcément de son propre champ. L'idée de transformer, de prendre par exemple une chanson, il disait de la musique, aussi des livres, et de les transformer finalement dans un autre, le procédé de l'animation, et ce qui fait que d'un seul coup on va vers autre chose, on avance vers autre chose. Et donc il dit que les livres, les chansons et la vie réelle, c'est vraiment ce qu'il inspire. En effet, si vous avez l'occasion de voir André Cicadeux sur YouTube quelques-uns de ses films, les premiers, qui sont, alors il dit franchement pornographiques, j'irai pas forcément jusque-là, mais en tout cas qui sont en effet très érotiques. On n'a pas pu les montrer ici, même s'il a voulu ici à un moment donné le faire. Mais il a dit, bien sûr, si vous venez en Allemagne, n'hésitez pas, vous pouvez les voir et vous pouvez venir le voir pour les regarder. You have to finish on that. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? 1, 2, 3, plus de questions. Merci beaucoup. Yes, thank you. Thank you.